qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, qu'est-ce qu'on veut. C'est une question des temps sociaux, pas seulement des temps de retraite, des temps de vie. Donc c'est un choix de société et c'est un choix d'abord culturel et philosophique, fondamental. Et moi, je ne suis pas expert de retraite, je ne suis pas économiste. Juste, je m'interroge par rapport aux éléments de connaissances que j'ai. Par exemple, moi, je suis une, et donc vous ne savez pas, parce que les gens ne savent pas. En Italie, tout le monde sait, mais en France, ailleurs, on ne sait pas. Avant la généralisation du système de retraite, après la Deuxième Guerre mondiale en Italie comme en France, eh bien, le 21 avril 1927, d'accord, Mussolini, fasciste. Les fascistes ont toujours fait du social. Et Marine Le Pen en ferait aussi si elle prenait le pouvoir. Il ne faut jamais l'oublier. C'est démagogique et tout ça, mais non, il ne faut pas l'oublier. Donc, Mussolini, en 1927, qu'est-ce qu'il a instauré avant les retraites, donc, qui existait en Italie comme en France pour des grands serviteurs de l'État, des militaires, armes, policiers, carabiniers, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait Mussolini? Il a dit, quand vous partirez à la retraite, vous toucherez un mois de salaire par an travaillé. Donc calculez, si vous travaillez aujourd'hui en Italie, vous gagnez 2000 euros par mois. D'accord. Quand vous partez à la retraite à 62 ans, voilà, si vous avez travaillé 40 ans, vous touchez 80 000 euros. C'est un bon petit patole. Et c'était pour souvent les travailleurs. D'accord. Bon. Ensuite, on a généralisé le système de retraite. Donc, avant, il y avait des régimes spéciaux. Fondamentalement, les avaient aux militaires, aux soldats, comme les hôpitaux. Et généralisé à base de lutte des travailleurs et travailleurs. Bon. Et maintenant, la période de retraite, disons, dans la vie, pour les gens, est devenue quelque chose d'acquis. D'accord. Et on ne va pas y renoncer. Et s'il y a une mobilisation de cette ampleur qui se profile pour le 5 décembre, c'est parce que la question est très importante pour les gens. J'ai écrit un article dans ce sens avec Eric Benet, secrétaire de Solidaires. La retraite égale le paradis sur terre. Qu'on soit croyant ou incroyant ou mécréant, tout le monde s'accorde à écouter. On en a chié toute notre vie, il y a un moment où on va profiter de la vie, d'accord? Chacun à sa façon. Qui a la pétanque, qui a la mer, qui a la bibliothèque, qui comme il veut, mais les gens veulent au moins instance arrêter de se faire chier, travailler, être sous ordre, en rythme. Et ça, c'est un acquis fondamental de l'histoire de l'humanité. Moi, je suis historien et j'ai beaucoup travaillé sur l'esclavage. Esclaves, lutter pour le temps à eux. D'accord, même les esclaves de la Martinique, Guadeloupe, ils avaient réussi avant la révolution à dégoter un petit potager, un jour par semaine libérer, faire le potager, pour un temps à eux. Et c'est ça qui est fondamental. Alors si vous calculez aux 35 heures, mais le temps 24 heures de la journée, c'est une question de qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Parce que si, imaginez, au 19e siècle, les enfants dans les usines travaillaient 12 heures par jour, et les adultes aussi, évidemment. Bon, 12 heures par jour, vous rajoutez 2-3 heures pour manger, ça fait 15. Et une heure pour faire l'amour, 16. Il reste, vous voyez, pas beaucoup de temps, ensuite il faut dormir. Et donc, l'humanité a toujours lutté pour avoir du temps à profiter, à faire ce qu'ils veulent, quoi. Jouer aux cartes, et surtout, du temps soustrait, travail, un chier quoi, pour autrui. C'est ça qui est fondamental. Alors, l'enculé de Macron, pour parler clair, il dit, parce qu'un ingé des syndicats, surtout la CFDT, sur la réforme de la retraite, c'est il faut regarder. Et moi, je suis parfaitement d'accord. D'accord, moi je suis prof. J'avais tiré jusqu'à 67 ans parce que j'ai un Rembrandt. De toute façon, j'ai fait la même chose. Et je partirai la tête le plus tard possible. Mais moi, parce que je suis assis sur une chaise. Mais quelqu'un qui est un chien, mes copains ont oublié, tu vois, à 50 ans, ils ont les dos, ils ont aussi en prothèse. Et donc, s'ils partent par la tête à 60 ans, ils profitent que dalle. Que dalle. Ils sont déjà usés. Et ça, c'est fondamental. Il faut la prod auquel le problème doit être lié au travail qu'on a fait, que les ouvriers des RATP, des cheminots, des mineurs, qui travaillent dans les sous-sols, dans des conditions d'hygiène lamentables, c'est ça, qui partent avant la retraite. Mais c'est normal. C'est normal. D'accord ? Et Macron dit non, tout le monde égale, la tête universelle. Mais mon cul ! De la vie, de la naissance à la mort, on vit dans une société parfaitement inégalitaire. Et on veut faire l'égalité juste sur la question de la retraite, mais ça ne va pas à la tête, non ? C'est complètement aberrant. Les salaires sont différents, les vies sont différentes, etc. Bon, et donc la bataille de la retraite, c'est pas une défense des acquis sociaux, des régimes spéciaux, tout ça, les régimes spéciaux, laisse tomber. Et les régimes spéciaux, les principaux régimes spéciaux, c'est les parlementaires députés des retraites à 450 000 euros en ayant fait un mandat de 5 ans. Et ils critiquent les gens de l'ATP voilà, qui partent après 30 ans. C'est absolument lamentable. Bon, évidemment, Macron a promis aux militaires, CRS et autres flics qui ont nous tapé sur la gueule à partir du 5 décembre qu'ils seront épargnés pour le système de la réforme, à l'évidence. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut défendre non seulement une retraite conforme qu'on a fait, à combien on en a chié et combien on a usé notre santé, mais la question d'arracher du temps de vie sur les régimes capitalistes jusqu'à quand on ne sera pas débarrassé. Et donc, la question de retraite est liée à la question de la réduction du temps de travail, la question de la répartition des richesses, la question de tout ça et tout ça, quoi. C'est pas seulement la défense au fond des syndicats, des soi-disant acquis sociaux, c'est pas ça. Il faut être plus positif, c'est une autre société qu'il faut non seulement rêver, mais qu'il faut appliquer, et on peut l'appliquer. Voilà, bon. Bon, j'arrête là, j'ouvre le débat si vous voulez. Ah, c'est une question que je voulais souligner. Parce qu'il est question si le gouvernement Macron fait marche arrière toute sur la réforme de la retraite prévue, de prévoir que cette réforme, c'est la clause du grand-père, c'est-à-dire ceux qui sont en place restent au régime qu'ils ont et ceux qui vont entrer, embaucher, ça va changer. Bon. Ça veut dire quoi? Que la bataille de retraite qui va s'ouvrir n'est pas le retraité. Et concerne pas non plus des gens comme moi, qui sont au bord de la retraite ou pour être à la retraite. Ça concerne les jeunes. Ça concerne les jeunes en premier lieu. Et c'est pourquoi je suis ravi qu'à Tolbiac, ils aient voté la grève, j'espère occupation, à partir du 5 décembre, et que d'autres universités se bougent. Parce que ça concerne fondamentalement les jeunes, cette question. C'est ça l'enjeu. C'est ça, ça veut dire quoi, ce système qui veut, si c'est la réforme des aides, s'applique la clause du grand-père. C'est ce qu'ils ont fait dans la privatisation de toutes les entreprises d'État. De France Télécom, devenu Orange, à EDF, GDF, à qui d'autre, aux cheminots, hein, et RATP, qu'ils ont changé les statuts au cours des 20 dernières années, à commencer par EDF, les premiers, je crois. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui sont en place, et, entre guillemets, hein, ceux qui sont embauchés à nouveau, nouveau statut, moins de droits, etc., etc. Et pour les têtes, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est les jeunes qui sont les premiers concernés. C'est pour ça qu'il faut. J'espère que les jeunes vont comprendre que c'est un. Même s'il y avait évidemment à 20 ans, moi non plus à 20 ans, qui va passer à la retraite. Mais ce n'est pas une question de passer à la retraite. C'est une question de penser à qu'est-ce qu'on veut comme société, qu'est-ce qu'on veut. Il y a des questions. Oui, concernant les retraites, Effectivement, je considère qu'actuellement, et ça fait un petit moment en fait, que l'État, le gouvernement et, en fait, jouent ce jeu de diviser pour mieux régner. Et montre du doigt effectivement les soi-disant régimes spéciaux, comme tu l'as dit, cheminots, etc., etc., pour dire aux gens, à travers les médias, les émissions, bah, vous voyez, eux, ils ont tant de retard, ils peuvent partir plus tôt, etc., etc. Et donc, faire en sorte que les gens se disent, ah oui, effectivement, ils sont privilégiés par rapport à nous. Et qu'en fait, actuellement, ils profitent de ça. Non seulement pour raboter effectivement le système pour les nouveaux cheminots, etc., etc., mais pour tous les autres travailleurs et travailleuses. Et je suis complètement d'accord avec toi pour dire que c'est pas une lutte contre des acquis sociaux, mais contre quelque chose qui clairement, pour moi, la retraite est aujourd'hui très vague. Je ne suis plus ce qu'on appellerait un jeune. Je suis plutôt dans le Moyen Âge, on va dire, c'est comme ça, enfin, entre les deux, quoi. Et clairement, la génération de mes parents, c'était en gros, ils étaient en province, donc c'était en gros monter sur Paris, bosser, s'acheter une maison, travailler pour fonder une famille, etc., etc., et retraite, vendre la maison et repartir dans le sud de la France dont ils venaient pour profiter de leur retraite. Moi, mes parents profitent de leur retraite. Et ils ont tout à fait raison. Mais c'est vrai que ma génération, donc, qui est plutôt née dans les années 90, retraite, c'est un truc, mais clairement, on ne sait pas si on en aura. Clairement, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et j'ai l'impression, alors après, je me trompe peut-être, c'est pas forcément un des intérêts, mais du coup, en fait, on est plus dans le cycle de on profite jour après jour. On profite de la vie, parce que demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être un début d'explication de pourquoi, en fait, c'est très loin pour certains. Heureusement, certains, à venir sur le mot jeune, s'en rendent compte. Mais tu prenais l'exemple de Tolbiac, etc., etc. C'est toujours un petit peu les mêmes. C'est toujours ceux qui ont... Alors, je vais dire la chance, parce qu'on est à Debout et du Peuple, et l'éducation populaire nous tient à cœur. Mais d'avoir, comment dire, accès à une certaine forme de militantisme ou d'appétence, entre guillemets, un peu à la vie politique, militante, etc., etc., mais ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et il y en a encore beaucoup, en fait, qui ne se rendent pas compte des erreurs. Et là-dessus, effectivement, c'est pour moi, j'ai pas spécialement de réponse, mais j'ai l'impression que c'est souvent le même mot d'ordre, c'est-à-dire la grève générale. Qui grève générale, très sincèrement, j'ai y croire, parce que pour moi, elle ne viendra jamais, mais je serais beaucoup plus, entre guillemets, pas intéressé, mais à me dire s'il y a une grève, effectivement, même si elle est minoritaire, mais dans certains secteurs d'emploi en France et qui peuvent payer, là, ça, pour moi, ça peut être intéressant. Je terminerai sur juste un exemple. C'était il y a 7 ans, mais j'ai fait partie d'une grève minoritaire dans un établissement privé, et ce qui nous a fait notamment gagner la grève, c'est que la plupart des à la DRH qui faisaient les fiches de salaire étaient en grève. Et quand ce secteur de personnes qui font des fiches de salaire sont en grève, ça fait chier l'entreprise, parce que même les dirigeants ne peuvent pas être payés. Et donc, du coup, ça bouge. Voilà. Oui, cela gêne, évidemment. Moi, je suis fils des Trente Glorieuses, donc, disons, facile. Pour les jeunes d'aujourd'hui, nos futurs, déjà, tu as du mal à manger aujourd'hui, et demain, tu ne sais pas. Évidemment, alors, t'es loin, loin, quoi. Je comprends. Je pense que la jeunesse devrait réfléchir à revendiquer un choix de vie. Mettons, les étudiants universitaires revendiquent un salaire étudiant contre la précarité, mais j'ai parfaitement raison. C'est extrêmement difficile de faire les deux. Soit tu es fils de bonne famille, alors ça va, c'est indécent, quoi. Soit c'est galère pour les étudiants. Moi, tous les étudiants que j'ai, ils travaillent tous, quoi. D'accord ? C'est dur. Ils sont dans des difficultés précaires de logement, etc., etc. Sur la question de la grève générale, Moi, je ne pense pas qu'il y aura ni la prise du prêt d'hiver, ni grève générale, changement de système total. Non, je ne pense pas. Ça n'arrivera jamais. Il faut construire au jour le jour un communisme, au jour le jour, culturellement d'abord. Mais c'est assez probable, je pense, à partir du 5 décembre, il y ait une grève tout à fait comparable à 95, voire plus importante qu'un 108. Et notamment par les pouvoirs de blocage que n'ont pas eu les gilets jaunes sur le rond-point, les travailleurs RATP, cheminots, transportèrent CGT, peut-être CFDT, la CGT Chimie, qui peut bloquer les 5 raffineries de France, au bout d'une semaine, il n'y a plus dans les stations-service, et c'est parti pour. Donc, il y a de quoi espérer. Si on met là-dessus le fait que Alliance Police, syndicat majoritaire facho chez les flics, la poulaille, peut-être se mettre aussi à faire grève diesel, etc., et ben on a Paris pour nous, quoi. Et tant mieux. T'as vu, je te sauve. Après, ça, tu l'as sauvé, ce qui est super intéressant au niveau de la retraite, c'est que moi, je me rappelle qu'on m'a toujours dit que la génération d'avant, de toute façon, disait aussi qu'il n'y avait pas de retraite. Donc en fait, ça fait des générations que j'entends ces discours-là dont on va parler de retraite parce qu'à chaque fois il y a des réformes et tout qui cassent le système. Et mais après, t'as raison pour les blocages, je suis totalement pour. et après aussi dans la retraite, je pense que ça touche tout le monde. On peut pas, ça touche pas que les jeunes, ça touche eux vont à la retraite et qui touchent eux sur leur partie sur s'ils vont avoir un droit à la retraite. Donc ça touche en fait tous les secteurs. Et après, sur notre système, notre système est bon parce que, justement, on est sur un système plutôt de solidarité où les actifs payent les non-actifs. Ça a toujours fait comme ça. Et même ce qui est pour eux par rapport aux retraites, c'est même quand on regarde aussi les générations d'avant travaillaient beaucoup plus longtemps, cotisaient beaucoup plus que notre génération. Donc même moi, en fait, ça me choque aujourd'hui qu'on est en train de dire que ça manque à la retraite. Parce que même avec ce qu'ont fait les anciens au niveau des horaires, logiquement, la retraite, elle devait avoir 50 ans de... beaucoup plus de temps d'autonomie que ça. Et presque tu as soulevé dans les fonctions, c'est aussi comment qu'on soit à la retraite chacun. Moi, généralement, j'aurais pas de retraite vu comment ils vont casser le système. Je pense que ça m'étonnerait que notre génération ait des retraites en France. Et après, la retraite, après, c'est pareil. Je trouve aussi la retraite, ça peut poser aussi une question sur le travail. C'est jusqu'où on travaille, jusqu'à quel âge on travaille. Qu'est-ce qu'on va apprendre aussi dans les paramètres pour dire toi tu pars plus à la retraite plutôt que moi. Les régimes PCE, c'est très bien que ça existe parce que chaque secteur d'activité, je prends le propre paysan jusqu'à 67 ans, sachant le travail physique qu'ils ont à faire tous les jours. Donc c'est très bien qu'il y ait des régimes PCE justement pour permettre à des gens qui font des travaux un peu plus durs de pouvoir partir plus tôt, ce qu'il faut aussi qu'ils profitent. Et que généralement aussi il y a des métiers où on va dire aussi le niveau de vie après retraite est quand même beaucoup moins, par exemple que chez des personnes qui sont vendeurs où là les paysans quand même avec tout ce qui travaille etc, leur corps est beaucoup plus fatigué, donc déjà ils ont beaucoup moins, je pense ils auront beaucoup moins de temps de retraite, donc c'est, je trouve logique que ces métiers là partent avant parce qu'il faut qu'ils profitent comme tout le monde. Et la retraite, après qu'est-ce que je peux dire d'autre, je suis en train de me perdre dans ma tête là. Et puis en fait voilà, la retraite aujourd'hui à mon âge je m'en fous, en fait je me dis de toute façon à la retraite ou pas on sait pas quand on meurt, donc autant profiter du jour présent, inch'Allah. Alors sur l'âge des départs à la retraite, bon il faut déjà savoir une donnée, d'accord, aujourd'hui en France on peut partir à 62 ans, d'accord. Combien de gens à 62 ans, quand ils ont droit à partir de la retraite, sont en train de travailler? Un tiers des gens qui ont 62 ans travaillent. Les autres sont déjà en pré-retraite et ils ne travaillent plus. Parce qu'ils sont escandalisés, mis dehors par les patrons, parce qu'un vieil coûte des fois plus cher qu'un jeune et il travaille plus lentement qu'un jeune, etc. C'est ça la réalité, donc. Des cas par temps. Et toute cette putain de réforme de Macron, ça vise à quoi? Comptable. Absolument. Et c'est tout. Et faire en sorte que les gens aient encore moins de retraite. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un système de partition, un système par points de capitalisation, ça rime à quoi? Qu'aujourd'hui, fonctionnaires, on calcule 6 derniers mois de retraite. Privé, on calcule les 25 premières années, et ben après ça va être 40 ans. Et c'est pris par répartition, c'est tes points. Tu as cotisé 1 euro, et ben tu récupères 1 euro, d'accord. Et évidemment, les gros salaires, ils vont à l'évidence, d'accord. Et c'est la grosse baise, d'accord, pour tout le monde. Oui, moi je voulais revenir sur ce que vous disiez par rapport au traitement particulier qui était adressé au corps régalien de l'État, police, défense, etc. Et ça, en fait, ça m'a fait penser à l'ouvrage de George Orwell, à la fois 1984 et La ferme des animaux, dans lequel il explique que pour lui, on est arrivé à un certain stade de développement humain dans lequel, grâce aux gains de productivité de l'automatisation, des progrès techniques, on pourrait parfaitement construire une société qui ne serait plus hiérarchisée, etc., où les besoins fondamentaux de tous les gens seraient satisfaits grâce à la technique. Mais comme ce qu'il appelle l'oligarchie est parfaitement conscient de cela, donc elle doit trouver une parade pour maintenir en fait une société hiérarchisée. Donc selon lui, quelle est la parade? La parade, en fait, c'est un peu le projet néolibéral. C'est-à-dire que il faut qu'on maintienne un progrès technique pour ne pas justement être dépassé par d'autres pays, mais il faut que ce progrès technique ne soit pas mis au service de secteurs qui répondent aux besoins fondamentaux, mais soit mis au service d'autres secteurs. Par exemple, justement, qu'on consacre les ressources de la nation vers le militaire, le policier, en fait vers des objets ou des choses qui ne servent en fait à rien, enfin qui ne répondent pas à nos besoins. Et donc en orientant toutes ces ressources, ce champ-là, en fait, donc on crée en fait un État policier et pour légitimer justement cette allocation des ressources, il faut qu'on crée un climat général. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une guerre à l'ancienne, à la Kerschmitt, hein, où il y a un début et une fin. Il faut vraiment que ce soit une guerre, mais qui ne doit jamais s'arrêter. Pour qu'à chaque fois, il est légitime que le corps coercitif ait plus d'allocations que l'État social. Et forme actuelle, elle répond à ça. Parce que, en fait, je pensais à l'interview du patron du MEDEF, aujourd'hui même dans Le Parisien, qui disait, mais en fait, vous savez, aujourd'hui, le problème par rapport à la réforme actuelle, c'est essentiellement le service public. Il explique en fait que le secteur privé n'est pas vraiment, il est pas vraiment offensif, quoi. Et donc on voit bien qu'à travers ce qui se passe là, c'est à nouveau une attaque en fait de l'État social qui va lui être directement touché, mais que l'État régalien, toute la partie police, police défense, est épargnée. Donc on est vraiment dans cette logique là. Et donc je finirai sur la question suivante. C'est est-ce que finalement, parce que l'argument qui justifie cette réforme, c'est de dire, c'est celui que j'entends souvent, c'est de dire en fait, la pyramide des âges, comme il y a beaucoup moins d'actifs et beaucoup plus d'inactifs, donc on est obligé de faire ça. Parce qu'il n'y a plus assez de cotisants par rapport, etc. Alors, moi par l'absurde, je me dis, mais si par exemple, on régularisait tous les, entre guillemets, tous les sans-papiers, tous les migrants, et que, hein, au lieu de travailler au noir, ils cotisaient tous. Alors, est-ce que ça permettrait pas d'équilibrer de facto tout le système? Encore, faudrait-il leur proposer des emplois, puisque avec la destruction des emplois, il y en a de moins en moins. D'où, à mon avis, la solution la plus logique, pas de créer une taxe robot, la fameuse taxe robot, mais de reprendre cette idée de Orwell et de dire qu'en fait, on pourrait parfaitement construire un modèle dans lequel les machines financeraient en fait toute la partie sociale. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Écoutez, on continue par les temps glorieuses. Et depuis, on parle des crises. Mais les données économiques sont les suivantes. Depuis 30 ans, la croissance en France a doublé, d'accord ? Donc, on est des fois... Donc, qu'est-ce qu'on parle de crise ? Et qu'est-ce qu'on parle de qu'avant, c'était tant glorieux et que tout allait bien ? Donc, c'est une question toujours de la prédiction de richesse qu'il s'agit. Et la prédiction de richesse, c'est la prédiction aussi du temps. Du temps de travail, du temps dans lequel on peut vivre, faire ce qu'on a envie de faire. Et l'intention, justement, des jeunes qui s'en sortent pas et qui sur les jeunes, sur la précarisation des jeunes mais aussi des retraités. Pour finir sur Orwell, il explique que dans ce nouveau schéma, il est nécessaire que les classes populaires et que les gens en général soient tout le temps dans une forme de guerre pour la survie. Faut surtout pas qu'on n'occupe pas qu'ils aient du temps libre, parce que si cela arrivait, ils auraient le temps d'aller à la bibliothèque, d'étudier, de faire des débats et de prendre conscience, en fait, de la supercherie dans laquelle ils sont. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument précariser les jeunes au maximum, précariser les vieux au maximum et faire en sorte que ceux soient enfermés dans des nécessités matérielles tellement importantes qu'en aucun cas, ils pourraient s'occuper de politique. Oui, la précarisation, écoutez, moi, je ne sais pas. Je sais, il y a des gens qui campent à la porte de la chapelle et qui travaillent. Hein, et comme tu disais, il suffit de légaliser tous ceux qui sont sans papier. Les Deliveroo, les parias aujourd'hui, livraires, est-ce qu'ils cotisent pour la retraite? Je ne pense pas du tout. Ils sont entrepreneurs, évidemment, et comme tout entrepreneur, même des répartitions françaises, avec tous les limites, etc. D'accord. Mais quand même, ça permet de compenser à 90% les fonds de retraite des parlementaires et des députés. À 90%, parce qu'ils cotisent que dalle. D'accord ? Et ça permet de compenser à 80% des agriculteurs, des petits commerçants et petits artisans, parce qu'ils cotisent trop rien. D'accord ? Ils cotisent formellement, mais ils ne cotisent pas rien. Donc, ensuite, il faut compenser pour arriver au minimum vieillesse à 800 euros. D'accord ? Et c'est des travailleurs privés qui sont bénéficiaires, qui compensent en fait, d'accord. Les caisses de la fonction publique, je ne comprends pas. Moi, sur mon bulletin de paye, c'est écrit qu'entre les cotisations de mon patron, l'État, et mes cotisations sur mon salaire brut, mon salaire net que je verse tous les mois pour la retraite. Donc, je ne vois pas comment les systèmes seraient en déficit, je ne comprends pas. C'est qu'après, ils puisent dans les caisses comme les hommes ont donné aux gilets jaunes 10 milliards, ils ont sécurité sociale, ils font des jeux de... On prend d'un pot et on met dans l'autre. Vous voyez ? C'est comme ça qu'ils agissent. Des questions ? Je sais pas, j'avais envie de revenir sur justement ce... Pourquoi les gens ne se posent pas la question... Par rapport... se battre pour les acquis, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, la vie était divisée entre, on va dire, l'enfant, des études très courtes et une longue carrière. Il y avait du boulot et on pouvait... En fait, c'était légitime d'avoir un temps de retraite. Mais qu'est-ce que devient ce temps de retraite si on fait plus que des petits bouts de boulot pour la plupart des gens ? On fait condamner à avoir des retraites de toute façon, même si on cotise dans le système actuel. Donc, si on est beaucoup plus riche aujourd'hui qu'il y a 30 ans, pourquoi l'idéal des gens, ce ne serait pas de, en premier lieu, garantir la survie de tout le monde ? Bien sûr. Pour moi, la bataille aujourd'hui pour la retraite, c'est une bataille philosophique de société, d'utopie, d'espoir, de rêve, que vous voulez, enfin, sur le fait de faire voir et valoir une autre société, une autre forme de vie et humaine. C'est ça l'enjeu. Et évidemment, ça s'applique pour tout. Pour la précarité étudiante, il faut aujourd'hui il faut un salaire d'étudiant. D'accord ? Et appliquer en général un salaire à vie, quoi. On a les moyens, c'est pas Orwell, un monde futur. 84 est passé depuis 35 ans, mais il est là, on paie, économiquement, on paie. Moi, je ne suis pas économiste, mais ça suffit de mettre sur les coups des économistes atterrés et autres qui savent faire des calculs que moi, je ne sais pas faire, mais c'est simple, hein. Il faut faire comme l'État, comme Macron, il faut prendre, mettre à l'autre. Et les milliards de riches, il y en a à prendre. Hein. Passionnant. Des questions ? Bon, du coup, j'ai pas tout de ce que tu as dit, mais j'étais plus en train de réfléchir à comment je pensais les choses personnellement. Et typiquement, là, actuellement, moi, je travaille 2 jours par semaine, je gagne 500 euros par mois, donc c'est rien. Mais c'est un choix. Je pourrais travailler plus et pantiser, mais en fait, là, ça m'intéresse plus de me dire, bah, je gagne pas grand-chose. Par contre, j'apprends des choses à côté, dans plein de domaines différents, et j'ai une certaine liberté de faire ce que je veux de toutes mes autres journées, c'est-à-dire 5 jours par semaine. Bon, même si j'ai la chance en plus d'avoir... Et en fait, je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles la question de la retraite, bah déjà, elle est loin dans l'imaginaire. Moi, je pense depuis que j'ai commencé à travailler, et même avant, qu'on n'aurait pas de retraite, mais pas comme un truc... pas comme un truc qu'on nous a enlevé, et peut-être assez proche de tout à l'heure, que... Le rapport, il est plus travail, famille, effort, retraite, petits-enfants. Enfin, déjà, comme je suis pas dans ce schéma-là, j'ai l'impression que la retraite va dans ce schéma-là aussi. Moi, par rapport au salaire, et sur d'autres pour, par rapport au salaire universel, je suis pas pour. Par contre, que Pôle emploi propose des formations à la permaculture et à l'autonomie énergétique et alimentaire, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant que de proposer un salaire à vie, par exemple. Mais... Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, et là vraiment sur cette et la stratégie du gouvernement, moi je pense, enfin j'ai cette impression que là ils font beaucoup de réformes, enfin, de toute façon depuis le début du quinquennat, mais là ils en font encore là avec celle du chômage, qui alors elle va mettre directement des gens dans la rue, et qu'en fait la retraite ils ont déjà commencé un petit peu, parce qu'ils mettent ça comme un petit peu le truc qui va faire mobiliser beaucoup de monde pour qu'ils la retirent. C'est-à-dire que la réforme des retraites elle ne passera pas. Et tout le reste va passer, un petit peu comme ADP. ADP, la vente des aéroports de Paris va pas passer. Pour la Française des Jeux, il y a le barrage, tout ça est passé. Et j'ai l'impression qu'il y a exactement la même stratégie, c'est-à-dire on sort le très gros épouvantail, tout le monde se mobilise, il y a déjà les gilets jaunes depuis quelques temps, il y a les étudiants, il y a les hôpitaux, il y a tout ça qui se mobilise, et en disant, on vous a entendu, on enlève la réforme des retraites, c'est tout le reste. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, tu as peut-être raison, mais je ne sais pas le futur de quoi sera fait. Je pense que Macron, ce gouvernement et les gouvernements précédents visent une grosse réforme de retraite comme une grosse enjeu de société et d'État et de répartition de richesses. C'est ça dont il s'agit. C'est très important. C'est très important. Après, tu as raison, c'est les choix de vie. C'est pourquoi chacun son temps, tu veux travailler la moitié du temps, mais il faut, c'est les choix de vie, il faut avoir de quoi vivre en même temps. C'est, et il y a une chose que je voulais dire importante, je pense qu'il faut aussi répercuter, parce que Macron a dit, parce que c'est une question fondamentale de la pénibilité au travail, qui peut permettre encore dans le système actuel de retraite de partir plus tôt, c'est la pénibilité de toutes sortes, bruit, travail au sous-sol, etc. Et je ne vais pas entendre associer les mots pénibilité au mot travail, parce que c'est dire que le travail serait pénible. Il y a plus, non seulement le travail est pénible pour la masse. Mais le mot travail, vous savez d'où ça vient, du latin tripalium. Et tripalium, ça veut dire trois piquets, et c'était un instrument de torture. Donc travail, ça signifie étymologiquement torture. Donc c'est plus que pénibilité. Et justement, je pensais à un truc là, il n'y a pas longtemps. Tu as mentionné que tu t'es occupé de... Tu as fait de l'histoire de l'esclavage, un peu. Et l'idée suivante, c'est-à-dire que le monde industriel, quoi, l'action qui est menée à l'économie actuelle, elle est juste après l'esclavage. Et en fait, la relation de salarié, en fait, est-ce que c'est pas dans l'esclavage entre le maître et l'esclave qu'elle s'est mise en place, la plantation un peu comme un prototype d'une usine et des rapports entre possédants et travailleurs qui n'existaient pas avant ça, puisque les gens étaient artisans, paysans, de propre compte. Il n'y avait pas d'usine pendant, avant le monde industriel. Oui, la séquence des phases historiques de l'esclavage au servage au salariat est une séquence fausse. Et si on connaît l'histoire, depuis la Bible, depuis les 10 000 ans, il y a toujours eu concomitance d'esclavage, des servages et autres formes de dépendance par la servile et des salariats. Il y a toujours eu des gens payés et toujours eu des gens esclaves. Fondamentalement, c'est une question de temps. De temps disponible, l'esclave est disponible 24 heures sur 24 de son maître. Il n'est pas seulement disponible de son travail, il est disponible, il a même pas un nom, il a un numéro, il a, c'est n'importe qui, c'est une propriété de son maître. Les serfs, il a déjà plus de liberté parce qu'une partie de son travail est pour lui. Hein, les blés qu'il cultive, c'est une partie pour lui, une partie doit donner au Seigneur. Et les salariés, il est payé. À la journée, à la tâche, à l'air, mais c'est d'autres conditions plus favorables. Et donc il n'y a pas de séquence, tout ça c'est une construction. Parce que tu ne peux pas avoir une société où l'air, même dans l'époque romaine et en Grèce ancienne, il n'y avait pas ça. D'accord, le seul moment, c'est Haïti avant la révolution haïtienne. À l'époque de la Révolution française et à Cuba dans l'année 1840 où la majorité de la population est esclave. Et ça ne tient pas, c'est amable. Mais les propios, ils doivent se barrer vite fait parce qu'ils sont jouillés. Il faut une hiérarchie. Oui, moi je voulais juste dire de toute manière par rapport à ce jeunesse, la retraite, etc. etc. effectivement, cette question de quelle société dans laquelle on veut grandir, je pense que ce qui va se passer à partir du 5 est très intéressant parce que de gens qui se rassemblent, qui discutent, que ça soit pendant la loi travail, que ça soit les gilets jaunes, que ça soit au niveau des marches écolo, etc. on peut penser plein de choses là-dessus. On peut dire que c'est pas assez. On peut dire que bisounours ou peu importe, mais c'est toujours des moments. On parlait tout à l'heure de Tolbiac ou d'autres endroits qui sont occupés. Alors il y a une éphémère maison des peuples qui a duré pendant, je crois qu'elle a fait un peu plus de 24 heures. Mais ce qui est assez ouf, c'est que justement tous ces espaces de partage, de discussion, de où on pourrait penser et réfléchir à une autre société. Souvent en fait on en est privé et je pense encore à nouveau la possibilité de rassembler des gens, de rassembler des générations. On parle de jeunes, de moins jeunes, de moyens, etc. etc. et qu'en tout cas que c'est pas inintéressant et moi derrière je pense qu'il y a une question de choix à avoir en fait. C'est est-ce qu'on veut rentrer effectivement dans ce système qui est un peu broyeur et rouleau compresseur et où effectivement le travail est de plus en plus pénible, que ça soit même dans des métiers, parce que vous avez tout ce qui est métier des services à la personne, vous avez l'ubérisation d'une partie du monde du travail et ça c'est à la base c'est pas forcément des métiers qui sont pénibles mais qui le sont devenus, ou même des métiers administratifs, de la vente aussi, où on vous donne des objectifs, etc. etc. Et on a toute cette problématique on devient de plus en plus des codes-barres et des espèces de robots, et puis de toute manière, si on n'est pas content, il y en aura d'autres qui prendront le travail. Donc moi, je pense qu'il est important, c'est ce choix-là. Et bien évidemment, plus, entre guillemets, plus on est jeune, plus, entre guillemets, ça peut être facile, parce que après on a toujours ce truc de oui mais j'ai mon crédit à payer, oui mais j'ai mes enfants à nourrir, machin, et toutes ces difficultés je ne critique pas et que j'entends tout à fait et qui sont tout à fait légitimes, mais voilà, donc moi je me dis que ça peut être encore une nouvelle fois une marche vers je ne sais pas quoi, mais une nouvelle marche après tous ces mouvements qu'il y a eu là depuis ces quelques années et que c'est pour en profiter, et il faut pas non plus en attendre trop. Mais c'est un moyen de continuer les discussions, les constructions, les rencontres. Et peut-être qu'à un moment donné, ça pourra être payant ou on pourra faire des choses. Je ne sais pas. On verra. C'est, C'était pas une question vraiment, ouais. Je pensais pendant que tu faisais ton exposé sur la pénibilité, en fait, ça a jamais été tenté de par exemple calculer l'espérance de vie par type de profession et ensuite de tenir compte de ça pour hein. Oui, juste, ça a été tenté en Allemagne par le chancelier de fer, c'était dans la fin des années du 19e siècle, qui a demandé à quel âge moyen vivent meurent les ouvriers. 65 ans. Eh bien, on fixera l'âge de la retraite à 65 ans. Chose, mais il a raison, François Georges. Il a raison. Je pense que la CGT, en particulier, peut-être Solidaire aussi, ont calculé l'espérance de vie chez certaines professions. Mais je n'ai pas d'infos, j'ignore, donc je n'ai rien vous dire. Mais rajoutons ce que vient de dire François Georges, moi, travaillant sur l'esclavage, j'ai travaillé notamment sur les mines en Espagne, et il y avait des mines de mercure, Andalousie, 17e et 18e siècle, qui servaient les mercures pour séparer les minéraux entre des mines où il y avait de l'or, argent et cuivre rassemblés, le mercure partage les métaux. Bon, très polluant. Et donc, on envoyait au fond des puits des esclaves, parce qu'au fond des puits, des puits de mercure, ils prenaient des maladies des peaux, ils mouraient rapidement. On utilisait aussi des forçats. Bon, à un moment, au début du 18e siècle, l'administrateur des mines avait promis la liberté aux esclaves et aux forçats s'ils survivaient 10 ans. Eh bien, personne ne survivait 10 ans. Sans aller jusque-là, aujourd'hui, on voit bien que les chiffres sur les retraites, il y a à peu près un différentiel de 7 à 8 ans entre un ouvrier d'industrie, peintre industriel, et puis un cadre ou de bureau. Voilà. Donc, quand on fait les retraites en disant bon, on ne fait plus de régimes spéciaux, ça se fait au détriment des gens qui ont les boulots les plus durs. Voilà. Ah, c'est sûr que entre curé, par exemple, ou correcteur de presse, ou peintre industriel, on voit vite que le même âge de retraite, ça ne va pas faire un même temps arrive à vivre. C'est fou. Hein. C'est très peu discuté, ça, alors que ça paraît un argument évident. L'âge pivot injuste, puisque chaque boulot a des contraintes particulières. Un ouvrier en France a 7 ans d'espérance de vie à moins, d'accord, sans parler d'être en bon instinto, c'est encore pire. Mais juste l'espérance de vie par rapport à un cadre, 7 ans de retraite de moins pratiquement. C'est énorme. Il y a quelque chose qui me préoccupe, qui n'a peut-être pas à voir directement avec la retraite, mais j'ai l'impression qu'on est en train de fabriquer artificiellement du boulot pour donner du boulot aux gens, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de faire toutes ces usines. En fait, on produit des boulots de merde, que les gens puissent avoir un boulot, et il n'y a pas assez de... avoir un salaire, et il n'y a pas assez de salaire à distribuer. Puis il y a autre chose que je ne comprends pas, c'est... Si la société se mécanise, se robotise, toute cotisation du travail, pourquoi elle irait dans la poche de ceux à qui appartiennent les robots, et pourquoi elle ne serait pas distribuée comme capital pour tout le monde? Il y a une proposition bête des économistes SOSDEM, comme il faut taxer les capitales. Si une industrie remplace des ouvriers par des robots, tu taxes les robots au lieu que taxer les ouvriers. Mais évidemment, ils ne vont pas les faire. Ils ne vont pas. Ils vont leur imposer. Quel argument pour ne pas les faire? Ben, ils disent parce que les robots, ce sont eux qui les ont achetés. C'est à moi. Ils ne peuvent pas dire l'ouvrier est à moi. L'ouvrier n'est plus un esclave, donc il n'est pas à lui. Il peut pas. Ils ont négocié avec les syndicats, mais un robot, non, c'est lui qui l'a acheté, donc c'est lui, c'est ce qu'il veut. Pourquoi il devrait payer des taxes en plus? plus, il y a un effet ambigu de la robotisation. Il y a un film comme ça qui s'appelle Entrée du personnel, film sur les ouvriers, les abattoirs en Bretagne. Bon, c'est des conditions très dures parce que c'est des trains à 8. Donc, il y a des gens qui embauchent à 4 heures du matin, puis 15 jours plus tard, ils seront du soir. Mais il n'y a pas énormément de boulot. Et donc, les gens qui veulent rester, ils prennent ces boulots, même si c'est des boulots très durs. Et le grand argument des patrons, c'est en Allemagne, la concurrence est très dure, on ne peut pas payer plus. Mais on a des nouvelles machines. Ah, super. Et les nouvelles machines, elles vont vous soulager d'un certain nombre de tâches. Et ce que disent les ouvriers et les ouvrières, c'est que, en fait, la machine impose un rythme. Et le rythme de travail est plus élevé. Et la machine, s'il y a une pièce qui casse, on remplace. Mais pour les ouvriers et les ouvrières, c'est pas. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, c'est des poignées foutues, c'est des gens qui se retrouvent à 50 ans, 55 ans, avec des trous, ils ont eu des troubles musculo-squelettiques redoutables, et leur vie restante à la retraite est extrêmement atteinte. La qualité de la vie, ils sont cassés. C'est les mêmes gestes, et c'est la machine, les nouvelles machines, qui imposent ces rythmes qu'il faut suivre. Donc même la mécanisation, c'est pas forcément une bonne affaire, non seulement parce que ça supprime des emplois, mais parce que ça assujettit les gens à la machine, à des rythmes qui sont mécaniques et absolument pas humains. Mais c'était la même chose au XIXe siècle pour ce qu'on appelait la révolution industrielle, la mécanisation notamment de l'industrie textile. C'est pas par hasard que les ouvriers ils ont saccagé, cassé les machines, parce qu'en fait ils travaillaient encore plus qu'avec les métiers à tisser artisanales. En fait, j'avais pas pensé à cette notion que la machine a une double facette, c'est-à-dire automatise certains actes qui normalement seraient faits par des humains, mais en même temps ça oblige l'ouvrier à suivre la cadence de la machine. Donc on pourrait voir d'ailleurs si dans la conception il n'y a pas une certaine intentionnalité aussi de faire des machines qui obligent à suivre une certaine cadence, plutôt que de faire des machines qui fassent toutes seules le boulot. On les couple plutôt avec un ouvrier, et comme ça, et un peu aussi aux méthodes de travail de Amazon, on a l'impression qu'ils sont étiquetés de partout de gadgets pour être contrôlés de partout, et en fait c'est comme si l'humain dans ce modèle là est une sorte de machine lui-même. T'as pas besoin de gens qui vont dire comment je vais niquer les ouvriers, comment je vais... Non, à partir du moment où on met des algorithmes qui sont faits pour être le plus économe, pour mettre le plus de valeur dans la machine, à partir du moment où on les paramètre comme ça, naturellement, sans que personne ait fait de complot, sans qu'il y ait d'intentionnalité, on obtiendra ce résultat qui est l'intensification des tâches, la simplification, et le fait que s'il y a une machine qui est compliquée et que un mec d'avoir fait un an d'études pour la maîtriser et 2 ou 3 ans de pratique, il est clair que c'est pas une bonne affaire pour le patron, parce que le mec il peut très bien faire un rendement beaucoup plus faible pour la machine, et le remplacer c'est pas évident. Pareil, les locaux en Grande-Bretagne, ils ont fait des affaires, de bonnes affaires, parce que il y a une concurrence des différentes compagnies, et effectivement ils sont virables du jour au lendemain. Ouais, mais va retrouver sur le marché du travail un mec qui a 3 ans d'expérience, tu seras obligé de la payer. Donc il y a aussi dans la complexité des machines des armes pour les gens, pour les employés. Voilà. Je crois qu'on a bien discuté. Donc vous avez tous froid peut-être. Donc on va conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et rendez-vous la semaine prochaine alors. 15h.